La corrélation, par exemple, entre la crise économique et la crise des institutions. Et là, on rentre aussi, déjà dans un objet important de la réflexion gramscienne, une question que l'anthropologie a, sur laquelle l'anthropologie a souvent réfléchi, c'est-à-dire la relation entre les différentes dimensions de la vie sociale. Et donc, quelles sont les relations entre, par exemple, les aspects économiques? C'est une question, à l'intérieur du marxisme, c'est une vieille question. La relation entre les systèmes, les modes de production, les structures économiques, mais aussi ce qu'il appelle les formes éthico-politiques, à l'intérieur desquelles on peut considérer la culture et les institutions politiques. Alors là, ça devient très intéressant effectivement pour les anthropologues, surtout pour des anthropologues en politique. D'abord parce que Gramsci permet de rester à l'intérieur du marxisme tout en l'émancipant de ce qu'il appelait l'économicisme du marxisme, c'est-à-dire de réfléchir seulement en fonction de la dernière instance de la structure matérielle, de la détermination de la société et de la politique. Et il introduit cet aspect de la culture, donc c'est déjà central pour l'anthropologue, c'est-à-dire il donne une importance aussi dans l'évolution des sociétés à la dimension culturelle, idéologique, ce qu'on appelle les suprastructures dans la tradition marxiste, mais aussi aux institutions politiques. Et je pense que pour l'anthropologie politique, aujourd'hui, c'est intéressant de revenir à la pensée gramscienne, parce qu'aujourd'hui, en anthropologie politique, on s'interroge beaucoup sur les déplacements des frontières du politique et sur les déplacements des lieux du politique. Gramsci, en effet, permet de penser à la politique d'une manière peut-être hétérodoxe par rapport à la philosophie politique moderne, classique, c'est-à-dire qu'il ne lie pas forcément la politique exclusivement, je dirais, aux institutions. C'est-à-dire qu'il pense aussi à d'autres formes d'expression politique. Dans une distinction désormais célèbre dans sa pensée, qui est la distinction entre société politique, c'est-à-dire l'État, et la société civile. Donc aujourd'hui, sa pensée semble actuelle, justement parce que les mouvements sociaux, mais aussi les anthropologues politiques, sont à la recherche des formes alternatives d'expression politique qui ne s'inscrivent pas forcément et qui ne prennent pas forcément forme à l'intérieur, au sein des institutions, de la société politique. Mais là, il faudrait ne pas faire des raccourcis sur ça, c'est-à-dire que parfois Gramsci il est pris dans une lecture un petit peu libertaire dans les mouvements sociaux aujourd'hui, qui voit dans Gramsci juste le penseur de l'émancipation et des formes d'expression politique dans la société civile en opposition à l'État. Alors, ce qu'on va essayer de montrer, c'est que sa pensée est originale aussi, parce qu'il pense à la société politique, à la société civile, à l'État et à la société civile d'une manière intégrée. Et donc, il pense plutôt aux interdépendances, aux relations entre ces deux domaines. Donc, là, j'ai présenté juste quelques traits de sa pensée pour expliquer très brièvement l'actualité des Gramsci dans les débats politiques aujourd'hui. Et j'ai cité aussi l'intérêt et l'actualité qu'il peut avoir pour l'anthropologie politique. Alors, ça, c'est très intéressant parce que, certes, la pensée de Gramsci est actuelle aujourd'hui, mais la relation entre Gramsci et l'anthropologie politique est une vieille histoire aussi. Je pense tout d'abord à l'anthropologie italienne. Une anthropologie italienne, je fais référence notamment à Ernesto De Martino, donc plutôt une anthropologie des religions et des cultures populaires et du folklore, mais une anthropologie italienne qui a été marquée depuis les débuts, en fait, par la figure d'Antonio Gramsci. Et aussi au monde anglo-saxonne, où Gramsci est devenu, avec Foucault probablement, les théoriciens ou les philosophes, les penseurs, l'intellectuel, les plus cités par les anthropologues politiques. Et dans ces séminaires, on aura l'occasion de revenir sur ces questions-là, aussi sur l'influence qu'il a eue sur les post-colonial, les subaltern studies. Donc, à ce propos, par exemple, le 10 avril, on aura une séance de Cosimo Zene de l'université SOAS de Londres, qui nous parlera de la subalternité, de sa réception dans le monde indien, par exemple. Alors, quand on a proposé ces séminaires, il y avait une autre question. On pense certes à l'anthropologie italienne, à l'anthropologie américaine qui a pris inspiration des Gramsci. Mais comme on travaille en France, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe entre l'anthropologie politique française et Gramsci. Parce que c'est assez, je dirais presque étonnant de voir que dans l'anthropologie politique française, les références à Gramsci sont très faibles, alors que dans l'anthropologie politique internationale, comme je le disais tout à l'heure, c'est une figure incontournable. Alors cela s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, des questions qui ont été soulevées par Gramsci, comme les relations entre économie et culture ou économie et politique, donc l'importance politique des faits culturels, a été traitée en France par un autre marxiste, Louis Althusser, qui a eu une influence remarquable sur l'anthropologie marxiste française des années 70 et 80. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des spécialistes d'Althusser qui montrent qu'en fait, Althusser a eu une confrontation constante avec la pensée de Gramsci. Dans ces textes, c'est pas forcément très évident. Il y a des références à Gramsci. Mais il y a certains philologues de la pensée d'Althusser qui essaient de montrer qu'en fait, Gramsci a été un compagnon de route quotidien pour Althusser et dans l'élaboration d'Althusser, avec certes des distinctions et des différences très fortes, dont la plus importante, c'est que Althusser considérait la pensée de Gramsci comme trop humaniste. C'est-à-dire que Gramsci a une vision du marxisme peut-être un petit peu hétérodoxe, entre guillemets, qui consiste à mettre l'accent sur la possibilité et la capacité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les acteurs sociaux, en fait, d'apporter une transformation historique. Ce qui, pour le structuralisme, était difficilement concevable. Alors ça explique pourquoi un parti Gramsci n'a pas été très utilisé dans l'anthropologie politique en France. En même temps, il y a eu des exceptions remarquables. Je pense notamment à Marc Abélès qui dans les années 70 avait proposé à la revue Dialectique un numéro spécial sur Gramsci, où il a traduit en plus des auteurs gramsciens italiens, et donc qui a été à un moment peut-être fondateur pour lui, même s'il n'est pas revenu forcément sur la pensée des Gramsci après. Mais c'est intéressant de voir que à l'origine de la pensée de Marc Abélès, il y avait cette confrontation avec Gramsci, et justement dans ses soucis de trouver à l'intérieur du marxisme d'autres sources d'inspiration pour l'anthropologie politique qui ne soient pas forcément le marxisme qu'on connaissait et dont on discutait à l'époque. Une autre exception, c'est celle de Jean-Loup Amsel, qui, dans son livre « L'Occident décroché », consacre une toute petite partie à Antonio Gramsci. « L'Occident décroché », c'est un livre critique sur les post-colonial studies en particulier. Les post-colonial studies qui ont utilisé Gramsci comme une figure tutélaire. Et en fait, Amsel essaye de dire que les post-colonial studies n'ont pas vraiment compris complètement Gramsci, et qu'il faut revenir à l'anthropologie italienne de De Martino, par exemple, pour bien comprendre quel est le bon usage de sa pensée. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est aussi de faire une sorte de traduction entre des différentes traditions disciplinaires en anthropologie politique et aussi aux frontières de l'anthropologie elle-même, c'est-à-dire de se confronter en tant qu'anthropologue politique avec la pensée d'Antonio Gramsci. Et pour effectivement pour comprendre cette traduction qu'on va essayer d'élaborer pendant ce séminaire aussi, en fait c'est aussi un des buts de ce séminaire, il nous semble important aussi de revenir sur la production scientifique d'Antonio Gramsci, et pour revenir à sa production scientifique, il me semble qu'il faudra aussi regarder un peu sa biographie, parce que sa biographie prend une place très importante dans sa production intellectuelle. Et tout d'abord, on pourrait dire, par exemple, que la vie d'Antonio Gramsci a été, on peut la partager en trois phases, hein, une phase de la première enfance et de l'adolescence en Sardaigne, une phase qui a été très importante en Sardaigne, donc cette île du Mezzogiorno italien, qui était une phase très importante pour ses réflexions, par exemple, sur les subalternes, sur la question méridionale, et qui reviendra très souvent dans ses élaborations. Il est né en effet à Ghilarza, qui était un petit village du centre de la Sardaigne, deux parents, des petits fonctionnaires, enfin le père était un petit fonctionnaire d'État, et c'est à Ghilarza donc qui fait ses premières études jusqu'au lycée. Et il part ensuite de la Sardaigne pour rejoindre Turin, à l'université de Turin, donc où il est boursier d'État. Et c'est pour ça qu'il peut continuer à faire ses études. Il s'inscrit donc à l'université, à la faculté de lettres, et il est tout d'abord spécialiste de linguistique. Donc, il n'a rien à voir avec la politique, mais c'est aussi à Turin qu'il côtoie, qu'il connaît, qu'il fréquente le milieu du Parti socialiste italien, et c'est là qu'il connaît et il rencontre une figure qui sera importante pour sa vie et aussi pour la suite de la transmission de sa pensée, qui est Palmiro Togliatti, qui sera un compagnon de route de Antonio Gramsci jusqu'à sa mort. Donc à Turin, donc il fréquente donc le milieu du Parti socialiste, et en 1919 il dirige donc il rentre dans la direction du journal L'Ordine Nuovo, qui sera un des instruments principaux de sa production intellectuelle en tant que journaliste. Et L'Ordine Nuovo, c'est une revue qui s'adresse majoritairement Gramsci veut qu'il s'adresse majoritairement aux ouvriers des usines à Turin. Il faut rappeler qu'en 1919-1920, à Turin, en Italie, dans l'histoire d'Italie, c'est ce qu'on appelle le Biennio Rosso, qui est les deux années rouges, qui sont caractérisées par une très forte mobilisation des usines, notamment à Turin, mais aussi à Milan et à Gênes, laisseront penser presque aux socialistes italiens et aux révolutionnaires italiens à la possibilité d'un renversement de régime et une révolution qui serait imminente. Donc le Biennio Rosso dans la pensée politique gramscienne est un moment fondamental parce que cela apportera après Gramsci à analyser les raisons de la défaite de ce Biennio Rosso, donc du non-avènement de la révolution pendant ces années, et c'est de là qu'il partira donc sa réflexion, par exemple, entre la différence d'une possibilité de révolution en Occident plutôt qu'en Orient, parce que, comme vous le savez, en Russie, donc, il y avait déjà eu une révolution communiste. Donc, après cette expérience, donc pendant cette expérience de journaliste et de militant du Parti socialiste, il se rapproche très fortement donc, de la gauche du Parti socialiste, et ce rapprochement lui vaudra aussi d'être un des fondateurs en 1921 du Parti communiste italien, qui fait scission donc du Parti socialiste, et il sera donc un des fondateurs avec d'autres figures comme Bordiga et Togliatti aussi. Donc il devient à ce moment-là donc le directeur de l'Ordine Nuovo, donc ce journal qui l'Ordine Nuovo deviendra un des organes de diffusion et de propagande du nouveau Parti communiste. C'est à cette époque, donc à partir de 1921, qu'on doit la plupart de ses écrits, qu'on appelle les écrits politiques, dont on a un recueil, je pense, ici, et ce sont tous les écrits politiques qu'il a écrits donc, avant son arrestation et donc avant donc les cahiers. En cette phase, donc, en tant que directeur de l'Ordine Nuovo, il fait une critique de la société italienne très féroce et très précise de la réalité politique italienne et aussi notamment du fascisme qui monte à cette époque-là, du régime fasciste. Et on peut dire aussi que c'est aussi à cette époque, donc en tant que journaliste, qui commence à élaborer la plupart de ces concepts qui seront après réélaborés, revus et re-regardés pendant les années de prison. L'affirmation du fascisme dans les années 20 et l'instauration de la dictature donc, pendant ces années le porte à son incarcération comme prisonnier politique en 1926. Donc c'est en 1926 qu'il rentre en prison et il sortira de prison peu de temps avant de mourir en 1934. En 1937, il meurt en 1937, mais il sortira des prisons en 1934 en liberté conditionnelle et il obtiendra la pleine libération, donc la liberté pleine, juste quelques jours avant sa mort. Mais on peut dire que l'expérience de la prison, paradoxalement, ça a été presque une chance pour nous, en fait, pour ces. Parce que c'est à ce moment-là de la prison qu'il a eu le temps, de, comme il le dit, de se mettre à écrire des choses qui ne sont plus, qui ne regardent plus forcément l'actualité, mais il se met à écrire des réflexions qui partent plus sur des questions plus générales. Et comme il le dit, il aura tout le temps pour essayer de décrire des choses plus systématiques. Et c'est donc dans la période entre 1929 et 1935 que les quaderni de carcere sont écrits. On a plus de 30 cahiers, 32 cahiers. Mais l'étude de ces cahiers présente des problèmes essentiels, des difficultés majeures et dont on peut en retrouver trois. Au moins, qui réside d'une part dans l'édition, problème qui peut-être va être surmonté, en italien a été surmonté depuis quelques temps, mais dans les autres langues, ça va être, en anglais notamment, ça va être surmonté bientôt. Les conditions de la censure pendant l'écriture et l'état de l'œuvre. Donc, les cahiers, donc au quaderni del carcere, furent publiés la première fois en italien dans une version Einaudi, qui était une version en 6 volumes, publiée entre 1948 et 1951. Les 6 volumes donc, de cette première publication n'ont pas suivi, par contre, un ordre chronologique. On n'a pas édité les cahiers d'une façon chronologique, mais on les a édités dans une façon thématique. C'est-à-dire que sous l'influence de Palmiro Togliatti, qui était à l'époque secrétaire général du Parti communiste, Einaudi propose une publication en tant qu'un 6 tomes sur des thèmes spécifiques. Donc on recueille les cahiers ou des extraits de cahiers par ordre thématique. Cet ordre thématique reflète en quelque sorte la volonté de Togliatti de faire de Gramsci à une figure tutélaire du Parti communiste et donc on voit dans cette première édition une volonté à porter Gramsci sur des positions qui ne sont pas forcément les positions qu'on pourra retrouver avec une édition plus complète. Le problème, c'est que ces éditions, donc premières éditions italiennes, seront ensuite reprises en anglais et pas forcément dans la même thématisation, mais en anglais aussi, la traduction qu'on fait des cahiers, c'est une traduction thématique et ce qu'on a jusqu'à maintenant de traduction de Gramsci en langue anglaise, ce sont plutôt des sélections de cahiers thématiques aussi. Et ce sont ces sélections de cahiers thématiques qui seront la base, le fondement des réflexions des anthropologues anglo-saxons et des autres auteurs qui reprendront Gramsci donc à partir de cette sélection traduite en anglais. Il y a ensuite le problème dans les cahiers, le problème de la censure. C'est-à-dire que souvent dans les cahiers, Gramsci change les noms, par exemple, des dirigeants communistes ou marxistes, ou même des auteurs marxistes, pour ne pas tomber sous le coup de la censure. Par exemple, à la place d'écrire Marx, il écrit le fondateur de la philosophie de la praxis. Et à la place d'écrire marxisme, qui tomberait forcément sous la censure des geôliers fascistes, il écrit donc philosophie de la praxis. Un problème qui peut dériver de cette... De ces changements et le fait de savoir si Gramsci utilise de façon transparente cette substitution des termes, notamment pour les concepts, notamment pour justement pour le concept de marxisme ou de philosophie de la praxis, si le change juste les noms et donc pour lui philosophie de la praxis c'est juste un autre nom pour dire marxisme, ou sinon son intention était vraiment de créer un concept nouveau pour parler de quelque chose d'autre qu'est juste le marxisme. Donc il y a là un problème philologique qui est important et qui procure ou donne quelques difficultés dans la lecture de ce cahier. Et enfin, il y a aussi une difficulté majeure qui réside dans l'état de l'œuvre, des cahiers, qui se constitue le plus souvent dans des notes et des fragments d'écriture, même s'il existe des cahiers thématiques, des cahiers où Gramsci il essaye de thématiser un cahier tout entier sur un thème particulier. Et donc là, on a quelques cahiers qui sont beaucoup plus aboutis, si on peut dire, mais le reste des cahiers de prison sont plutôt en forme de fragments ou de notes qu'il prenait pour ensuite systématiser sa pensée. En plus, Gramsci ne pouvait obtenir, n'avait pas tous les instruments de travail, donc il n'avait pas tous les livres qu'il aurait fallu pour travailler, tous les articles, tous les documents. Il était réduit à réfléchir sur des écrits disparates, des écrits qu'on lui a menés en prison par ses amis ou qu'il trouvait dans la bibliothèque de la prison. Donc, un travail qui était très limité par les sources qu'il avait. Donc, par exemple, il a beaucoup travaillé sur des ouvrages de Marx, mais qui ont été apportés dès l'extérieur. Mais il n'avait pas la possibilité d'avoir toutes les sources qu'il lui fallait. Donc, les cahiers sont traversés par des réflexions qui sont parfois discontinues et parfois hétérogènes. Mais ils se rattachent toutes, évidemment, donc ces réflexions, plus ou moins directement, aux grands thèmes qui le préoccupent. Ces grands thèmes sont surtout, on pourrait le dire, une réélaboration qui est plutôt systématique du marxisme de son époque, et qui inclut une très forte critique des conceptions positivistes, comme disait Ricardo tout à l'heure, et déterminisme du marxisme de son époque. Du point de vue de Gramsci, donc, le positivisme qui était en train de monter dans le marxisme de ces années-là, et le déterminisme économique, pour lui dénaturer la nature même du marxisme, parce qu'il séparait, par exemple, la philosophie, donc la philosophie marxiste, dès l'activité politique, dès l'activité pratique. Donc pour lui, ce déterminisme qu'on voyait de plus en plus dans ce marxisme-là était fondé sur une méthode plutôt d'abstraction qui séparait, par exemple, la théorie sociale dès l'activité pratique de l'histoire, histoire qui est pour lui quelque chose de fondamental dans sa réflexion. Et donc en cela, ce marxisme déterministe développait des principes qui étaient transhistoriques et qui étaient externes à la pratique humaine. Les formulations abstraites qui négligeaient la spécificité de l'histoire et de la politique rendaient pour lui obscurs les phénomènes de la vie politique et de ce fait empêchaient l'activité politique plus radicale. Donc pour lui, ce marxisme était en quelque sorte un poids pour les mouvements de la révolution, pour penser une des façons de amener la révolution. Les formulations, à cause de ces déformations du marxisme, Gramsci cherche à formuler une méthode qui est fondamentalement historiciste, un historicisme de la recherche sociale qu'il voulait différente des préoccupations purement spéculatives. C'est-à-dire que la pensée de Gramsci part toujours des aspects concrets de la vie et des aspects historiques de l'activité politique. Il veut une philosophie qui soit extrêmement lointaine d'aspirations métaphysiques ou d'une objectivité fondée sur des abstractions méthodologiques. Gramsci a conçu donc une méthodologie, on pourrait dire, du marxisme comme une philosophie de la praxis, donc une philosophie de la pratique, dans laquelle les concepts abstraits et les catégories qu'il utilise sont exprimés dans un langage qui est très fortement historique, et ces catégories et ces concepts expriment plutôt les situations et les activités concrètes. En suivant cette conception personnelle du marxisme, Gramsci donc formule ces concepts, ces théories et ces catégories en les généralisant à partir d'investigations et observations des événements et informations particuliers. Donc un des méthodes qu'il utilise le plus souvent dans les cahiers, c'est de partir d'un cas très particulier dans l'histoire, d'un cas historique qui est très particulier, pour ensuite formuler ces catégories ou ces généralisations. Et donc, les généralisations qu'il cherche à amener, donc la création des concepts et des théories qu'il cherche à amener à partir de ces cas particuliers, il les met toujours, donc ces cas particuliers sont mis toujours en relation avec les structures sociales plus larges et avec des relations sociales plus vastes. Donc l'attention est au particulier, mais en relation dialectique très forte avec les structures sociales plus vastes. En d'autres mots, les concepts et les généralisations de Gramsci sont toujours historiquement déterminés. C'est un point qui est fondamental dans le développement de sa pensée, c'est-à-dire qu'ils sont fondés sur les pratiques concrètes historique plutôt que sur des abstractions et des notions spéculatives. La philosophie de la praxis peut être donc considérée comme une pensée cohérente mais pas systématique. C'est une pensée qui vise la totalité, donc avec les structures plus larges, mais elle vise la totalité, pour ainsi dire, par le bas, à partir donc de ces cas concrets et pratiques, avec une tension donc spécifique pour ses particularités historiques. Par exemple, Peter Thomas, qui est donc cet auteur australien qui a écrit ce livre The Gramsci Moment en 2009 et qui est considéré aujourd'hui un des peut-être le livre le plus important des dernières années sur Gramsci. Résume sa méthode, la méthode de Gramsci dans les cahiers, en trois parties dialectiquement reliées. Donc un historicisme absolu, donc une attention systématique à l'historicité, l'immanence absolue, donc la préoccupation de rester sur les pratiques concrètes, et comme disait Ricardo tout à l'heure, un humanisme absolu aussi, parce que la pensée de Gramsci, c'est une pensée humaniste, ce qui n'a pas plu évidemment à Althusser, mais effectivement, cela est bien le cas. Donc avec ces trois aspects de méthode de Gramsci, Thomas donc, démontre comment l'auteur Sartre résiste à toute tentation de formulation anhistorique, défiant les lectures réductionnistes et déterministes de la base et de la superstructure, et en reconfigurant la signification politique de la philosophie. Donc là aussi, on arrive à un autre aspect très important, donc le lien, le rapport entre la philosophie et la politique. Donc cette méthode doit être en effet vue comme éminemment dialectique, dialectique entre la sphère économique, la sphère politique et la sphère culturelle. Les trois vont toujours ensemble chez Gramsci, dialectique entre philosophie et praxis, donc entre la philosophie et la pratique, et dialectique entre philosophie et politique. La politique et la philosophie, pour Gramsci, ne peuvent jamais être distinctes et sont toujours un lien dialectique. Dans ce sens que le développement de sa philosophie de la praxis, donc de sa méthode, a été possible à partir de cette approche dialectique qui est aussi interdisciplinaire. Il travaille sur des niveaux qui sont très différents. Mais donc, sa méthode, donc la philosophie de la praxis, est influencée par l'approche dialectique, mais sa conception de la dialectique est aussi influencée par sa philosophie de la praxis, sa méthode de la philosophie de la praxis. Donc là aussi, il y a un mouvement dialectique entre les deux plans. Donc, si la philosophie de la praxis représente une philosophie immanente aux choses sur lesquelles est le philosophe, dont les pratiques situées historiquement et géographiquement sont cruciales à cette immanence, nous pouvons comprendre l'objection de Gramsci à la séparation de la philosophie et de la praxis. Et c'est cette méthode qui peut nous servir aussi pour une lecture actuelle de Gramsci, comme disait tout à l'heure Ricardo, et à travers lui, la complexité de la société du politique contemporain. Comme Stuart Dole, dans son fameux article « Gramscian and Ours » l'a dit, Gramsci n'a pas de réponse toute faite et il ne détient pas les clés pour notre présent. Mais, selon Stuart Dole, nous pouvons penser notre présent d'une manière gramscienne. Cela veut dire que le problème n'est donc pas de transférer Gramsci dans le présent, mais plutôt de le traduire, donc traduire ses idées philosophiques et théoriques pour l'analyse des conditions changeantes du présent. L'idée d'une traduction d'un langage philosophique d'un contexte historique ou culturel à un autre est une idée aussi gramscienne. Donc cette idée de la traduction d'un langage philosophique à un autre est une idée qui est éminemment gramscienne et elle demande de repenser continuellement les conditions passées et présentes d'un contexte à l'autre. Mais cela, il faut que ce soit dans la perspective gramscienne, il faut le faire en adaptant les perspectives théoriques en accord au changement des conditions sociopolitiques. Donc il n'y a pas de traduction sans adaptation des changements sociopolitiques d'un langage à l'autre, d'une culture à l'autre. Et aux circonstances historiques qui sont différentes, au changement entre différentes conceptions du monde, un autre concept gramscien qui pourra avoir peut-être l'occasion de voir, entre deux langages ou entre deux cultures. Donc l'application de ces concepts et théorisations passe par ce moment de traduction qui est un aspect important de la pensée gramscienne, mais cela n'empêche pas d'utiliser ces concepts et ces conceptualisations, mais alors il faut les inscrire d'une façon gramscienne, d'accord, dans les conditions sociopolitiques de leur application, si on veut les appliquer. Donc, Donc là, on a vu le rapport qu'il y a dans la pensée gramscienne entre la lecture des bases matérielles d'une société, les aspects théoriques, donc la philosophie. Donc cette relation entre philosophie et pratique qui est centrale dans sa réflexion. Gianfranco a parlé d'une vision à la fois historiciste et humaniste, l'humanisme absolu de Gramsci. Et je pense que ça, c'est assez important pour l'anthropologie politique et pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que là, on voit bien que dans sa lecture des rapports entre base matérielle, culture et politique, et dans sa lecture historique, en fait, on a une conception de l'histoire qui est ouverte, donc une conception de l'histoire comme ouverte à la transformation. Et donc cela signifie aussi replacer l'attention sur les capacités des sujets, de ce qu'il appelait les subalternes, dans cette transformation, dans cette production de l'histoire même. Gianfranco a fait l'exemple, en expliquant sa méthode, du rapport qu'il y a entre l'analyse du cas particulier et les structures. Et ça, c'est une lecture dynamique, celle que Gramsci donne, c'est-à-dire de comprendre aussi dans quelle mesure les cas particuliers, donc les sujets historiques eux-mêmes, peuvent contribuer à la transformation de la société. Et ça, c'est indispensable aussi parce qu'on voit dans cette idée quelle est la convergence qu'il y a à l'intérieur de la pensée gramscienne du philosophe et de l'activiste politique. D'une manière que, en fait, on ne peut pas créer une vraie distinction entre les deux dans la vie même d'Antonio Gramsci, mais cela correspond complètement à sa théorisation. Il y a certains passages dans les cahiers où il parle presque d'une coïncidence entre l'histoire, la philosophie et la politique. C'est-à-dire qu'à travers, enfin, c'est l'homme, les sujets historiques, à travers son expérience politique, ses intentions politiques, et qui peut donner même forme à une histoire qui ne lui est pas complètement étrangère. C'est la possibilité de l'homme de transformer l'histoire. Alors, ces côtés humanistes, j'insiste sur ces côtés humanistes parce qu'en fait, souvent, on a donné une interprétation des Gramsci assez opposée, c'est-à-dire plutôt un Gramsci structuraliste, surtout parce que Gramsci a dans les cahiers, développé certains concepts qui laissent penser à des structures des pouvoirs qui seraient vues comme immuables par les subalternes et par les sujets historiques. Et je pense notamment au concept de bloc historique et d'hégémonie. Alors, en fait, pour comprendre la notion de bloc historique, il faut revenir à cette relation entre matérialisme et culture, et cette manière assez innovante pour l'époque, pour Gramsci, de la concevoir, une convergence entre marxisme et idéalisme, on pourrait presque dire, si on considère que Gramsci, tout en restant à l'intérieur du marxisme, donc de la lecture de Marx, des bases matérielles de l'existence, a introduit quand même, il s'est confronté avec l'idéalisme de Benedetto Croce, donc le philosophe, le principal philosophe idéaliste du début du XXe siècle en Italie, qui l'a profondément influencé. Et donc, en fait, à partir de cette confrontation entre matérialisme et idéalisme, il a donné sa version, novatrice de ces rapports, en introduisant aussi la dimension politique. C'est-à-dire qu'il crée une sorte de triangulation entre base matérielle, culture et politique. Il ne s'arrête pas à une réflexion sur les rapports entre structure et suprastructure. Donc un débat qui, par exemple, dans les années 70 et 80, on l'a connu dans l'anthropologie française. Je pense pas, notamment à Godelier qui essayait de créer une sorte de médiation entre le marxisme althusserien et le structuralisme de Lévi-Strauss. Et en fait, il introduit cette dimension politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il pense que pour analyser les combinaisons historiques qui peuvent se créer entre économie et culture, base culturelle et suprastructure, il faut penser aussi à l'intentionnalité des sujets historiques, c'est-à-dire à la politique et à la capacité de certains groupes sociaux de créer cette combinaison et cette liaison entre base matérielle, culture et politique. Dans certains moments de l'histoire, les classes dirigeantes arrivent à établir une sorte, ce qu'il appelle les blocs historiques, c'est-à-dire une situation de pouvoir où cette classe dominante peut à la fois maîtriser et contrôler les structures économiques de la société, les institutions politiques, mais aussi diffuser au sein de la société une culture commune, c'est-à-dire créer un consensus autour de ces blocs historiques au pouvoir. C'est-à-dire que cette classe dominante peut instituer ce qu'on appelle une hégémonie. Alors, la question sur le concept d'hégémonie est très, très vaste. On vous a amené ici juste quelques exemples de la littérature gramscienne, surtout française. On peut faire circuler les livres, mais en italien, en anglais maintenant, il y a des milliers et milliers de textes sur ces questions, et notamment sur l'hégémonie. Donc je vais essayer de résumer, de synthétiser, et je m'excuse pour les raccourcis. Ce qui est important dans les concepts d'hégémonie, c'est qu'en fait, Gramsci nous permet d'introduire une analyse du pouvoir qui ne se focalise pas exclusivement sur les questions matérialistes, comme un marxiste assez simpliste pourrait faire, c'est-à-dire de considérer que les institutions politiques ou le pouvoir politique est la pure émanation des rapports de force de production dans le monde matériel et des structures. Et en même temps, il accepte pas une vision du pouvoir comme simple imposition d'une volonté par la coercition. Et en fait, avec le concept d'hégémonie, il introduit un aspect important qui est celui que j'ai déjà évoqué, celui du consensus, et c'est-à-dire aussi de la culture. En fait, dans plusieurs passages, Gramsci traduit le concept d'hégémonie par presque une formule, une équation. C'est une combinaison, l'hégémonie, de la coercition, donc de l'imposition d'une volonté par la violence aussi, et de l'autre côté, le consensus. C'est la combinaison de ces deux aspects qui permet en fait l'institution d'une hégémonie culturelle et politique dans une certaine phase historique. Alors là, en fait, en introduisant le thème du consensus, on voit déjà on voit de nouveau l'importance que Gramsci donne à la dimension culturelle idéologique, c'est-à-dire que les aspects culturels dans une société ont certes une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'on peut faire une philosophie, une histoire de la culture, mais en même temps, il faut se rappeler constamment que la culture a aussi une dimension politique très forte. C'est-à-dire que la culture peut avoir une fonction dans l'établissement d'une hégémonie, dans une certaine configuration historique. Donc en fait, l'hégémonie, comme je disais tout à l'heure, est cette combinaison entre coercition et consensus, mais donc cette ouverture aussi dans la réflexion sur les pouvoirs hégémoniques, ouvre aussi à d'autres considérations sur les frontières, ce que j'ai appelé tout à l'heure les frontières du politique. C'est-à-dire que puisqu'on commence à parler, à réfléchir sur la capacité de l'État et des classes dominantes de créer du consensus et donc une culture partagée au sein de la société, cela signifie que les lieux du politique, comme Marc Abeles dirait, ce ne sont pas que les institutions politiques, ce qu'il appelle la société politique, mais la société civile elle-même devient un champ de bataille politique. C'est-à-dire que c'est au sein de la société elle-même qu'en fait la politique doit constituer et construire sa propre hégémonie, justement parce que la culture est aussi importante. Il y a certains passages très célèbres des cahiers où en fait Gramsci dit que l'État n'est pas que les institutions, mais c'est aussi les casemates et les casernes de l'État au sein de la société, qui peuvent être par exemple les églises, les associations, l'école, c'est-à-dire ces lieux d'intermédiation entre l'État et la société civile, au sein de laquelle une culture hégémonique du pouvoir est produite et diffusée, et se fait hégémonique au sein de la société elle-même. En fait, là, on revient à cette question de cette fausse, je dirais presque fausse opposition entre la société politique et la société civile, parce que même s'il organise sa pensée en créant cette distinction entre ces deux pôles, en réalité, sa pensée est sur les formes d'intégration, des combinaisons entre société politique et société civile. Je parle d'intégration parce qu'il y a aussi une réflexion dans Gramsci sur ce qui serait un État intégral. C'est-à-dire un État où, effectivement, la société civile et la société politique seraient complètement mélangées, intégrées à un tel point que l'une se confondrait avec l'autre. Alors, cette opposition entre société politique et société civile, c'est des choses que Gianfranco a déjà évoquées, nous permettent aussi, en fait, de penser aux différentes manières dont on peut imaginer Gramsci comme un théoricien du conflit politique ou un théoricien de la transformation sociale par la politique. Parce que puisqu'on a ces deux pôles, l'État et la société civile, on peut se demander, mais pour Gramsci, où réside, où on peut trouver les lieux de l'émancipation ou les lieux du conflit politique. Est-ce qu'il réside dans les institutions ou est-ce que plutôt il réside dans la société civile? Est-ce que le conflit politique doit se faire au sein de la politique traditionnelle, au sein des administrations, des bureaucraties et des institutions de l'État, ou est-ce qu'elle doit se faire à l'intérieur de la société civile, c'est-à-dire dans les relations sociales, dans les formes d'associations qui ne sont pas forcément institutionnalisées au sein de l'État. Et là, je reviens aussi aux choses que Gianfranco a évoquées sur sa distinction entre Orient et Occident et sur la possibilité d'une révolution à un Orient et un Occident. Parce que sa lecture de la révolution bolchevique était que, en fait, cette révolution d'avant-garde, une guerre de mouvements, il l'appelait, a été possible en Orient parce que la société civile n'était pas encore bien structurée. Donc la prise du pouvoir permettait la révolution. Et cela, par contre, était quelque chose qui n'était pas possible en Occident, où la société civile était déjà forte, mais une société civile qui était déjà intégrée et contrôlée par les institutions étatiques. C'est-à-dire que penser une révolution du style léniniste n'était pas forcément possible en Occident, parce que les pouvoirs ne résidaient pas exclusivement dans les institutions politiques qu'on pourrait renverser par une simple révolution, une guerre des mouvements. Et ça, c'est une question aussi de phase historique. Après les deux années rouges de Gramsci, où Gramsci avait peut-être pensé pouvoir reproduire la révolution russe en Italie, il y a les fascismes qui arrivent, donc une forme d'hégémonie qui justement se base sur la combinaison des coercitions et consensus à travers la propagande, et où la révolution en fait ne semble pas possible. Donc, mais est-ce que l'action politique révolutionnaire n'est plus possible dans ces conditions-là? Si elle est possible, c'est juste qu'elle doit changer des lieux d'élaboration. Et donc les lieux d'élaboration, c'est plutôt préparer une possible guerre des mouvements futurs, mais aujourd'hui on fait une guerre des positions, c'est-à-dire on construit au sein de la société civile une culture qui pourra se proposer dans les futurs comme nouvelle hégémonie. C'est-à-dire que la culture contre-hégémonique doit être construite, faite aujourd'hui dans une situation où on ne peut pas prendre les pouvoirs. Alors là, on rentre bien évidemment dans une perspective de stratégie politique qui apparemment n'a pas beaucoup à voir avec l'anthropologie politique. Pourtant, je pense qu'il a beaucoup à voir avec l'anthropologie politique et j'essaye de m'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, quand on parle d'hégémonie de Gramsci, on pense souvent à la reproduction de la pensée dominante et à l'incapacité, à l'impossibilité des subalternes, en fait, de produire quelque chose de différent. En fait, dans sa vision historiciste des formes d'hégémonie, Gramsci pense aussi aux raisons des naissances de certaines hégémonies, dans cette combinaison d'économie, culture et politique, mais aussi à la possibilité de leur crise. Et donc il faut penser que l'hégémonie est considérée comme un champ de bataille. Et ce n'est pas par hasard que Gramsci utilise des métaphores de la guerre. Donc il était, comme Engels, il était un grand lecteur des stratégies militaires, de Clausewitz et d'autres. Et en fait, il pense à la politique à travers la métaphore de la guerre, puisque dans un champ de bataille, dans les champs de bataille de l'hégémonie, les résultats n'est jamais acquis et n'est jamais définitif. C'est-à-dire que cette hégémonie, même dans une situation historique où elle est possible, où il y a des classes dominantes qui arrivent à affirmer un bloc historique et donc leur hégémonie, elle peut être remise en discussion. Et c'est là pourquoi. Parce qu'en fait, même si on arrive, si les classes dominantes arrivent à instituer un sens commun, c'est-à-dire un consensus autour de la culture dominante, il y aura toujours des fractures possibles au sein de ces sens communs, de ces consensus, Par exemple, il y a toute une réflexion très intéressante sur l'opposition entre les sens communs et les bons sens. Gramsci dit, même lorsqu'il y a un sens commun qui nous fait réfléchir, ça c'est très anthropologique, Clifford Geertz a parlé de sens commun par exemple, et même dans les situations où il y a un sens commun partagé par tout le monde, il y a toujours la possibilité du bon sens, c'est-à-dire de prendre une décision ou une affirmation de type éthique morale qui soit en contradiction avec ce que tout le monde pense, et que le bon sens réside dans ce type de choix alternatifs. Mais il y a aussi d'autres possibilités, d'autres fractures dans l'hégémonie. Il y a la possibilité de la transformation historique. Donc ici, il y a une sorte de volonté politique de transformer l'histoire. Mais il y a aussi des formes culturelles qui s'opposent à la culture dominante opposée. Et c'est là que Gramsci fait son analyse de ce qu'il appelle les cultures subalternes au sein des groupes subalternes. Alors, les concepts des subalternes, on y reviendra dans une séance dédiée à ce concept-là. Le concept des subalternes est très important parce que parler des cultures subalternes, ça signifie que les groupes subalternes, comme les prolétaires ou les paysans du sud de l'Italie, sont en mesure de produire des cultures, des visions, des conceptions du monde, comme il les appelait, qui ne sont pas complètement récupérés par les processus hégémoniques des classes dominantes de l'État. Et donc ces cultures subalternes peuvent exprimer la capacité des hommes et des groupes sociaux, des sujets, de formuler des formes de résistance ou d'alternatives par rapport au pouvoir. Et en même temps, en revenant à la métaphore de la guerre, Gramsci reconnaît dans les groupes subalternes donc une capacité d'action et de résistance, aussi la notion de résistance renvoie à cette métaphore de la guerre, une capacité de résistance, mais en même temps, en tant qu'activiste politique, il se pose la question de l'efficacité de ces formes de résistance des subalternes pour renverser les rapports de pouvoir. Donc cela existe, il y a les groupes subalternes qui peuvent se poser comme acteurs du changement, mais est-ce que, ça c'est une question je trouve importante, est-ce que les subalternes sont en mesure de s'émanciper, de renverser les rapports de pouvoir? Alors là, je viens à une définition que, à mon avis, est la plus parlante du concept des subalternes par Gramsci. Alors, il faut penser aussi, c'est peut-être aussi une question là aussi de censure et de traduction, parce que certains ont pensé que subalterne, c'était un terme pour parler des prolétaires ou de la classe ouvrière, et on ne pouvait pas les faire parce que c'était trop marxiste. Donc, on parle des subalternes. Mais en fait, par subalterne, Gramsci a la capacité de rester à l'intérieur du langage marxiste ou de la conception des choses marxistes, tout en élargissant les groupes sociaux qui peuvent se reconnaître à l'intérieur de ce concept des subalternes. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, sa conception de la subalternité est très, très à la mode, parce qu'on est sorti, on est dans une phase post-marxiste, on est sorti de l'idée que la classe ouvrière, le prolétariat, soit la classe universelle, les sujets universels, et on pense plutôt aux différences, aux subjectivités alternatives. Alors, les subalternes permettent en fait de recouvrir cette. Et c'est pour cela qu'il parle des prolétaires, mais aussi des paysans du sud de l'Italie, qui n'étaient pas rentrés dans les processus de modernisation du capitalisme italien. Et donc, quelle est la définition des subalternes? Il y en a une, pour moi, qui est très, très parlante. Et c'est le subalterne, c'est celui qui subit l'initiative politique de l'autre. Donc, on n'est pas dans une définition de classe sociale dans ces cas. Donc les paysans comme les prolétaires peuvent s'y reconnaître. Mais c'est une question, une problématique surtout de type stratégique. Le subalterne est celui qui subit l'initiative politique de l'autre. C'est-à-dire que dans un champ de bataille pour l'hégémonie, on est encore dans la métaphore de guerre, nos actions de subalterne seront toujours la réaction à l'action des classes dominantes, des puissants, des gouvernants. Donc, Gramsci permet d'identifier la capacité et l'autonomie de l'action politique des subalternes, mais en même temps, il se pose ces problèmes-là. On ne peut pas renverser les rapports de force parce que les subalternes subissent toujours l'initiative politique de l'autre. Moi, du point de vue anthropologique, je trouve ça très intéressant parce que ça signifie donner ce qu'on appelle l'agency, reconnaître l'agency, les capacités de résistance au sujet, tout en les appliquant à l'intérieur d'une réflexion sur les capacités effectives d'émancipation de ces formes d'agency et de résistance. Et c'est d'ailleurs intéressant, moi j'ai trouvé des continuités en fait avec la pensée par exemple de Michel Desserteaux et sa distinction que Desserteaux fait entre tactique et stratégie. Et en fait, si on regarde la définition de Michel Desserteaux de tactique, on est exactement dans le même type de définition. La tactique, c'est l'action du subalterne à l'intérieur de l'espace politique de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'autre, c'est les classes dominantes qui pose la grammaire de l'action politique et les subalternes agissent comme simple réaction, donc ils n'ont pas une initiative politique autonome. Et en même temps, Gramsci, en tant qu'activiste politique, bien évidemment, se pose le problème de savoir comment renverser ces rapports de pouvoir. Donc comment traduire, on est encore dans la traduction, traduire à une époque historique précise, traduire ces formes moléculaires de résistance, ces cultures subalternes, ces cultures alternatives, les traduire dans une initiative politique vouée à leur émancipation. Alors là, il y a toute une réflexion sur la question de la conscience. Alors ça pourrait sembler un sujet un petit peu dépassé, mais pour l'époque, pour Gramsci, on revient encore à la question de la culture et de l'idéologie. Il y a la question de la prise des consciences des subalternes, des situations et des conditions historiques dans lesquelles ils agissent, pour mieux comprendre quelles sont les possibilités d'émancipation. Alors, à parler des consciences, bien évidemment, on nous amène aussi à un autre concept gramscien très important, qui est celui d'intellectuel organique. Dans des situations où les subalternes n'arrivent pas à renverser les rapports de force et avoir cette initiative politique qui précède l'initiative politique de l'autre, donc à devenir d'une certaine forme hégémonique dans les conflits politiques, il faut construire ces médiateurs ou ces acteurs politiques qui sont des faiseurs des nouvelles hégémonies, qui sont des faiseurs des renversements des rapports de pouvoir. Et c'est là qu'il pense à intellectuel organique. On revient souvent, organique, c'est un terme qui revient souvent dans la pensée gramscienne, c'est-à-dire des figures d'intellectuels. Peut-être ça peut sembler dépassé, mais il faut penser au début du XXe siècle, quand même, il y a des sociétés analphabètes, quand il peut penser aux paysans. Enfin, la question de la culture était très importante, celle de l'intellectuel. Moi, en Afrique, je me suis retrouvé avec des populations illettrées où cette question d'intellectuel est encore d'actualité. Mais ces intellectuels ont la fonction donc de construire une nouvelle culture qui soit une culture à la fois alternative, mais aussi capable d'une nouvelle hégémonie. Et donc qui soit capable de l'émancipation des classes subalternes. Donc en fait, c'était assez vite cette présentation conceptuelle. Il y a plein d'autres concepts de Gramsci que je n'ai pas traités. Je pense qu'à partir de cette présentation, en fait, on peut mieux comprendre comment on a pensé le séminaire et sa répartition et ses différentes séances. On va peut-être passer au peut-être quelques questions sur cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Un détail sur l'hégémonie. Il y a aussi un détail sur, mais je pense que vous l'avez entendu en fait, sur les institutions liées à l'État. Mm-hmm. Quand vous avez parlé des institutions liées à l'État, vous avez mentionné les églises, les associations, etc. Après, vous nuancez plus en disant que les institutions sont, enfin, c'est ce genre d'institutions est au cœur de la société civile. Et donc au cœur des possibilités de renversement hégémonique. En fait, je voulais savoir, en fait, comment est-ce que c'est dans la pensée gramscienne, ces institutions-là sont des institutions de l'État ou proprement de la société civile, et où est-ce qu'elles s'insèrent dans le rapport hégémonique. Et ensuite, pour ce qui est de l'hégémonie, en fait, ça laisse, ce que vous dites laisse entendre qu'on est tous subalternes, plus ou moins. Et je vous pose la question. C'est une très bonne question. Alors, pour ce qui concerne l'Église, les associations, en fait, la réflexion de Gramsci, Gramsci utilise l'opposition société politique et société civile au niveau conceptuel, mais justement pour la résoudre. C'est peut-être un style de réflexion assez dialectique. Parce que ce qu'il veut montrer, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de frontière imperméable entre les deux aspects, entre l'État et la société civile. Et donc, lorsqu'on va voir ces associations qui peuvent être à la fois de la société civile et de l'État, on voit effectivement quel type de relation d'intégration est opérée entre l'État et la société civile. Donc, moi, je ne pourrais pas dire pour Gramsci, l'Église ou les associations ou l'école, enfin l'école c'est assez parlant je trouve, est-ce que ça fait partie de l'État ou de la société civile? C'est justement parce que ça permet d'intégrer les deux aspects. Après c'est vrai que lié à l'État, il faut pas dire que c'est exactement la même chose, mais qu'on ne peut pas penser une dimension sans l'autre. L'État, certes, a les institutions, a l'armée, a ses ressources, a la bureaucratie, mais là aussi, on ne peut pas comprendre l'État si on ne le met pas complètement en relation avec la société civile, surtout dans une phase historique comme l'époque contemporaine et pour Gramsci, où les pouvoirs ne pouvaient s'instituer que par la construction d'une hégémonie au sein de la société civile. Donc c'est une phase historique en fait qui brouille complètement toute frontière qu'il peut y avoir entre l'État et la société. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ça. La deuxième question sur est-ce qu'on est tous subalternes, c'est une très bonne question. Et donc si la réponse est oui, ça signifie que peut-être la pensée de Gramsci est très actuelle du coup. Parce que nous, on a commencé avec la question de l'actualité. On pourrait s'interroger aussi sur l'inactualité de la pensée de Gramsci. Parce que, comme Gianfranco le disait, en fait, il s'agit de traduire dans l'actualité, dans une démarche gramscienne, de traduire Gramsci aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quelle peut être son actualité aujourd'hui. Je pense qu'il y a sûrement un langage ou une dimension inactuelle de la pensée gramscienne. Et on pourrait penser aussi à cette réflexion sur la subalternité. L'exemple, moi j'ai terminé sur la question des intellectuels organiques. Pour certains, aujourd'hui, la question des intellectuels ne peut pas se poser de la même manière parce que les subalternes qu'il faut mobiliser, qu'il faut émanciper, c'est pas forcément des illettrés qui n'auraient donc pas la capacité d'imaginer des formes d'alternatives ou des stratégies politiques. C'est notre réponse au manque d'initiative politique des subalternes pour Gramsci, il faut le rappeler, c'était les partis politiques, ce qu'il appelait les nouveaux princes. C'est-à-dire que, puisque les subalternes ne sont pas en mesure de s'auto-organiser, il faut quand même instituer comme un grand intellectuel qui serait le parti politique. Aujourd'hui, avec la critique qu'on a des partis politiques et la critique qu'on a dans les capacités de cette politique institutionnelle organisée d'apporter des réponses à la subalternité ou à injustice aujourd'hui, on peut se demander sur l'actualité, effectivement, de la pensée de Gramsci. Et en même temps, ce que vous dites, moi je le trouve assez intéressant, parce que on peut se poser la question aujourd'hui de la capacité d'une prise d'initiative politique, ou est-ce qu'on n'est pas dans une situation où on subit l'initiative politique de l'autre, alors cet autre est tout à identifier aujourd'hui, est-ce que c'est le capitalisme global, le capitalisme financier, c'est plus l'État. Pour cela, pour revenir à l'anthropologie politique, il y a un anthropologue très connu comme James Ferguson qui a repris Gramsci pour étudier les mobilisations au sein de la société civile, en particulier en Afrique du Sud. Et il a dit, en fait, on peut prendre Gramsci, mais il faut changer la topographie du pouvoir actuel. C'est-à-dire que Gramsci avait quand même une pensée qui était centrée, même s'il était, c'était une pensée aussi géopolitique, il avait senti aussi ce qu'on appelle la globalisation, les rapports entre culture, race, il traite de ces questions-là, mais c'était une pensée centrée sur les rapports entre un État-nation et sa société. Aujourd'hui, James Ferguson dit il faut, pour garder, pour rendre actuel Gramsci, il faut les traduire dans une nouvelle topographie du pouvoir où le pouvoir n'est plus condensé dans l'institution étatique ou dans la classe bourgeoise capitaliste dominante. Mais c'est bien différent, ça s'inscrit, et ça c'est tout à faire, je pense. Mais peut-être aussi la notion d'intellectuel organique est aussi à repenser dans le sens où ça pourrait exister, ça pourrait être même de nécessité, mais pas en tant qu'un individu appelé intellectuel. Je ne sais pas si c'est... Oui, on pourrait penser d'intellectuel collectif, par exemple. C'est la question dans les mouvements sociaux aujourd'hui, on est un petit peu réfractaire à l'idée qu'il puisse y avoir des représentants politiques où il y a une dimension libertaire, horizontale, qui est assez forte. Encore pour revenir à l'anthropologie politique, et je pense à David Graeber du mouvement Occupy Wall Street, cette idée-là. Mais en même temps, il y a ce besoin aussi de peut-être constituer une nouvelle culture. Donc ça peut être un travail collectif. Et la métaphore du réseau avec Internet marche beaucoup dans ce sens-là, dans la construction d'une culture collective, horizontale, mais qui soit alternative. Je sais pas, pour répondre, pour abonder dans le sens de Ricardo sur la question des institutions, l'État, comment on fait la différence, il faut... Quand on se plonge dans Gramsci, il faut aussi penser qu'il y a une réélaboration des conceptions classiques de l'État et de la société civile. Ce n'est pas une conception purement hegelienne de l'État et de la société civile. Il le dit clairement dans des passages assez connus. Quand il fait la distinction entre État et société civile, ou entre société civile et société politique, il y a aussi des différents strates de réflexion. Il le dit que cette distinction, pour lui, est de méthode. Il n'est jamais une distinction organique. Donc, quand il parle de l'État, par exemple, dans ce qu'il dit dans le sens propre de l'État, donc, il entend la société politique, c'est-à-dire les institutions de coercition, la justice, la police, le Parlement, le gouvernement, etc. Il parle de ça, d'une distinction de méthode, c'est-à-dire pour définir certaines institutions comme appartenant à l'État classiquement défini. Et la société civile, donc, ce serait l'Église, l'école, les associations. Mais après, cette distinction de méthode ne tient pas à son analyse de l'État, ce qu'il disait tout à l'heure Ricardo, de l'État intégral, c'est-à-dire donc cette conception qui est beaucoup plus dialectique entre les deux moments de lieu du pouvoir, entre donc cette société civile et cet État, entre cette société civile et société politique, qui forment donc dialectiquement un État intégral où on n'a plus de distinction organiquement fondée. Et donc on voit bien que pour lui, il ne s'agit pas juste de les distinguer, mais il s'agit aussi de les penser ensemble. On revient encore à une pensée fortement dialectique entre ces deux moments. Et aussi pour l'intellectuel organique, effectivement, moi je trouve que c'est très actuel, parce que quand il parle du nouveau prince, il parle effectivement de quelque chose de l'intellectuel. On l'a toujours appelé le nouveau prince, l'intellectuel collectif, en fait. C'est notamment Thomas, Peter Thomas, qui en parle beaucoup de cette possibilité d'un nouveau prince pour l'actualité, qui n'est plus la forme partie comme voulait la vulgate toyatienne de ses premières diffusions gramsciennes, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment faire écho aux nouveaux conceptions des formes d'organisation politique. Ça c'est très. On aura donc une séance, la dernière séance. Donc, ça sera encore nous. En fait, ouais. On va revenir sur justement sur cette question de l'actualité des Gramsci aussi. De Gramsci dans les mouvements, dans la théorie critique actuelle et dans les mouvements sociaux. Donc on essayera en fait de réfléchir à cette question, comment, surtout parce que Gramsci a des lectures aujourd'hui très, très différentes et souvent très contradictoires. Justement parce que Gramsci est parfois pris comme l'idéologue des mouvements sociaux parce qu'il replace les politiques et la possibilité d'émancipation dans la société civile. Et parfois, il est considéré plutôt comme un marxiste-léniniste à vocation totalitaire, puisqu'il parle d'État intégral, donc de dissolution de l'État et de la société civile dans quelque chose de nouveau, par un parti politique d'avant-garde. Alors, ce qui me semble intéressant dans cette discussion-là, c'est qu'en fait, Gramsci arrive, enfin, peut-être il n'est pas convaincant pour certains, mais il arrive quand même à une pensée de synthèse entre ces deux perspectives. C'est cela peut-être qui fait aussi son actualité dans les mouvements sociaux aujourd'hui. Ouais. Juste pour ouvrir une piste, la première fois que j'ai vraiment entendu parler de Gramsci, c'était pas du tout par rapport aux mouvements sociaux, c'était par rapport aux chaînes de valeur ajoutée et aux chaînes globales de marchandises, et donc aux filières des matières premières et la théorie économique sur les 10 dernières années. La théorie des chaînes de valeur a énormément repris la théorie gramscienne. Quelle théorie gramscienne? Il se présente comme néo-gramscien sur le champ de bataille, sur l'hégémonie, accéder à l'hégémonie, sur les blocs historiques. Ils reprennent les formations de monopole. Alors, je ne peux pas avoir plus de détails parce que je ne pensais pas. Ça fait longtemps, ça fait un an et demi, je crois, que j'ai lu, que je me suis intéressé à ça. Mais en gros, ils parlent des blocs historiques, des monopoles comme blocs historiques qui accèdent à un statut hégémonique à un moment donné dans les chaînes de valeur ajoutée. Non, mais ça c'est très intéressant parce qu'en fait Gramsci est appliqué dans toute discipline, dans toute lecture. Par exemple, études stratégiques ou relations internationales, il y a les néo-gramsciens aujourd'hui. Et une économie en plus, c'est intéressant parce que Gramsci donne une lecture aussi du rapport entre économie, institutions politiques et culture, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, pense aussi à la question de la. Il y a tout un cahier sur américanisme et fordisme. Il a été les premiers à donner une vraie analyse du fordisme aux États-Unis, en montrant qu'en fait, le système de production avait des impacts ou allait avec une nouvelle culture américaine. Donc, une nouvelle forme même d'humanité, une forme de vie culturelle américaine qui allait avec le. Donc, on voit bien la relation. Mais cela permet aussi de penser à la crise, c'est-à-dire que c'est des moments où les formes de production et les formes culturelles vont avec, sont en combinaison, mais comme ces systèmes de production peuvent rentrer en crise, c'est toute la culture et les institutions politiques qui peuvent être affectées par ces types de crises économiques. Et c'est assez intéressant, il y a l'école de la régulation en France et l'économie, Aglietta, qui avait étudié exactement cette question-là sur le fordisme aux États-Unis. Donc, les rapports entre les institutions et l'évolution de formes de production. Après, c'est très intéressant parce que les cahiers sont tellement vastes qu'on peut effectivement retrouver des choses. Mais bon, moi, je ne connais pas cette littérature. Hein, donc, si vous m'envoyez... Non, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, je peux retrouver ça. Moi, je veux bien... Mais c'est assez vaste. Hein. Puis, ils se prennent le chou entre savoir... Il y en a un qui dit, oui, mais vous oubliez complètement les conflits, la notion de conflit chez Gramsci. Et puis après, il y en a un qui conclut et qui reprend tout. Et je crois que moi, j'avais arrêté là le débat en considérant que la chaîne de valeur elle-même était un champ de bataille. Ce qui changeait la conception très habituelle des filières de marchandises. C'est juste c'est juste une ligne avec des chaînons qui se relient les uns aux autres et donc avec des rapports de pouvoir qui sont très linéaires. Après, il y en a un autre qui dit oui, c'est un réseau. Et puis, il y en a un qui termine en disant non, c'est un champ de bataille avec une hégémonie. C'est intéressant. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. C'est intéressant de voir que Gramsci est réutilisé aussi dans les lectures de l'économie, alors que souvent, on fait appel à lui pour la culture et pour les politiques. Parce qu'il y a Marx qui a fait le reste. Donc, sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on oui, vous... ouais. je me demandais si l'intellectuel organique, ça, est-ce qu'il a une conception de sa fonction comme un leader et aussi la place qu'il accorde à l'éducation dans l'émancipation des subalternes. La définition première de l'intellectuel organique, c'est au fait, c'est pas forcément un leader. Enfin, c'est aussi un leader. Il y a une certaine ambiguïté dans ce qu'il en dit de l'intellectuel organique, mais la première définition, c'est. Bon, déjà, il dit que toute personne est un intellectuel. C'est-à-dire que tout le monde est un intellectuel en quelque sorte. Qu'il soit dans ses occupations pratiques, il y a toujours une partie d'élaboration théorique. Même dans l'activité pratique, même des subalternes. Donc ça, c'est une première... C'est ça la notion d'intentionnalité? Non. Attendez, je vais juste terminer. Déjà, il pose ça comme question fondamentale. Après, l'intellectuel organique, il en fait une distinction avec un intellectuel... classique ou traditionnel. Donc c'est un intellectuel organique et c'est aussi celui qui est à la fois il peut être issu donc du monde subalterne et donc avoir l'expérience donc de cette subalternité et ou de la classe à laquelle il appartient. Il peut être subalterne ou des classes dominantes. Mais organique n'est pas forcément l'intellectuel des classes subalternes, déjà, il est aussi l'intellectuel organique des classes dominantes. Et donc, il peut être issu de ces classes dont il est organique, mais il ne suffit pas d'être issu des classes dont il est organique pour être un intellectuel organique de cette classe-là. Il doit être, en quelque sorte, il le dit, il doit avoir la capacité de savoir, comprendre, donc il y a la question du savoir dans l'intellectuel organique, mais essentiel, ce qui le distingue d'un intellectuel traditionnel, c'est le sentir de l'intellectuel par rapport à la classe d'appartenance. Donc un intellectuel organique d'une classe qui peut être dominante ou subalterne, c'est celui qui connaît, donc il connaît les... par différentes raisons, parce qu'il est issu ou parce qu'il s'y intéresse, donc il connaît cette classe, donc les activités pratiques et théoriques de cette classe, et en même temps il les sent. Il sent les élaborations pratiques et théoriques de cette classe. Et c'est une question qui est fondamentale, donc la distinction entre les deux intellectuels. Mais, donc il n'est pas forcément un guide pour les subalternes, même si il peut avoir la fonction... De conscientisation pour donner la conscience par exemple aux classes subalternes qui n'en ont pas une conscience totale, ouais. Mais il n'est pas forcément le guide, mais il peut avoir la fonction en de fait, guide. En fait, je pense qu'il faut insister sur la notion d'organique plus que sur celle d'intellectuel. Ouais. Parce que la question d'intellectuel nous amène à l'idée d'un détachement d'un individu isolé qui aurait tout compris par rapport à des subalternes qui seraient stupides. Enfin, il y a un petit peu ça dans certaines lectures de Gramsciennes comme de l'avant-garde intellectuelle. Ouais. En fait, il faudrait insister sur la question d'organique parce que l'organicité entre l'intellectuel et la masse peut être créée, et ça pour moi c'est très intéressant pour les anthropologues, par la constitution d'une relation organique, c'est-à-dire par un sentir commun qui nous amène à la compréhension. Il y a, moi je vous conseille à ces propos un passage, pour moi c'est les plus beaux passages et les plus exemplaires de la pensée de Gramsci, c'est les cahiers de prison numéro 3, il y a un passage qui s'appelle Spontanéité et direction consciente. En fait, où Gramsci réfléchit sur les formes populaires d'action, qui sont souvent analysées comme des formes spontanées, les émeutes par exemple, des formes populaires d'action politique, mais qui en fait n'atteindraient pas le niveau d'une conscientisation ou d'une conscience politique structurée comme dans un parti politique par exemple. Alors, on pourrait penser qu'en fait, Gramsci se situe à côté de la deuxième option, contre le spontanisme, par exemple, dans les phénomènes d'émeutes populaires. Parce qu'il dit qu'il faut une direction consciente de l'action des masses. En même temps, il refuse pas le spontanisme des masses populaires. Il dit qu'il faut être en mesure d'intégrer dans un projet politique ces sentirs populaires d'opposition, des réactions d'insubordination, merci, et l'intégrer à un projet politique. C'est-à-dire, là encore, on est dans une réflexion en fait qui n'est pas d'alternative, mais dialectique, de synthèse. Donc l'intellectuel organique, ça peut être interne ou externe, ça peut être n'importe qui. Et ça peut être aussi les subalternes en tant que groupe, en tant que sujet collectif. Alors c'est très intéressant, encore une fois, pour les anthropologues, parce que si vous reprenez les réflexions de D.P. Thompson sur les émeutes de la faim, à l'époque, lorsque D.P. Thompson a écrit ça en 1971, donc, il écrivait que, contre l'anthropologie, il disait il ne faut pas considérer les émeutes populaires comme des phénomènes spontanés qui n'auraient pas des raisons culturelles, politiques, mais qui seraient juste l'expression spontanée de l'insubordination des couches populaires. Il y a des raisons culturelles, politiques qui donnent forme à ces formes de contestation. Et c'est très intéressant que lorsque quelques années après, Thompson a republié ces choses, il a fait une introduction qui était tout à fait gramscienne, incitant Gramsci, incitant ces passages, ces questions, ces distinctions entre spontanéité et direction consciente dans l'action politique. Et surtout sur à propos de la notion qu'on n'a pas évoquée, mais lorsque Gramsci parle des consciences, il parle aussi des doubles consciences des subalternes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une conscience extérieure qui semble reproduire la culture dominante, donc qui affirme, permet d'affirmer l'hégémonie, parce que dans l'extériorité, on est dans la reproduction de cette culture-là. Mais il y a une autre culture qui est partiellement en contradiction avec cette culture-là, qui est une culture vraiment subalterne et potentiellement alternative. C'est justement que dans une situation hégémonique, on n'est pas en mesure de renverser les rapports entre les deux consciences intégrées. Le cas typique, c'est l'ouvrier qui subit l'exploitation, et qui émerait une autre société, et donc qui a une culture de la résistance et de la subalterne, de l'alternative, mais il a quand même besoin de travailler. Donc il ne peut pas sortir de ses rapports d'exploitation des forces, et donc il est obligé de reproduire la culture, la théorie, la pratique même du système. Donc toute la question politique, comment renverser ces rapports des forces. Et là, ça va un petit peu loin, mais par exemple, Gramsci sur ça, il fait une critique comme du marxisme scientifique, aussi de la sociologie, moins de la sociologie positiviste de l'époque. Il y avait un sociologue belge, Henri Demann, qui faisait des analyses dans les usines, et en fait il découvrait au début du XXe siècle que les ouvriers n'étaient pas du tout révolutionnaires. Donc ils souffraient, ils subissaient l'exploitation, ils en étaient à un parti conscient et ils auraient aimé autre chose, mais du point de vue du sujet, c'était tout à fait logique de reproduire les systèmes d'exploitation. Parce que qu'est-ce qu'on fait, moi, comme individu Et ça, c'était une sociologie, donc une sociologie positiviste qui nous amenait politiquement à considérer que le monde, il est donné comme tel, et on ne peut pas intervenir pour le changer. Donc il faut accepter les systèmes et ces modes d'exploitation. Alors Gramsci, dans une vision humaniste, historiciste et politique, essayait de comprendre comment renverser ces rapports de force et instituer une hégémonie de l'émancipation. Excusez-moi, oui. Vous venez de citer, là, c'était une Belge, c'était quoi? Henri Demann. Il y a plusieurs passages sur cet Henri Demann, qui était un très bon sociologue, les pauvres, mais Gramsci l'a critiqué. C'est assez intéressant parce qu'il est le père de Paul Demann, non, ou l'oncle, je crois, qui a été l'un des profs américains sur la critique littéraire postmoderne aux États-Unis. Donc c'est assez intéressant de voir ces choses-là. Et je ne me souviens pas du titre de ces ouvrages à Henri Lehmann. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On présente le calendrier, les programmes. On commence par là, peut-être. Donc, en fait, aujourd'hui, vous l'avez compris, on voulait juste nous justifier pourquoi on a osé faire ça. Donc, pour revenir sur la pensée de Gramsci, peut-être quelques conseils bibliographiques. Des écrits politiques, on a déjà parlé. Bon, ça, c'est les cahiers des prisons qui sont traduits en français, mais à la différence de l'édition italienne, c'est la même édition, donc Geratana, mais à différence de l'édition italienne, on ne trouve pas le quatrième tome, qui est un tome de lecture, on va dire, analytique des cahiers. Donc, on a des index très bien faits en italien où on peut aller chercher les différents concepts dans les différents cahiers. En français, donc on a ce classique de Christine Buczyk-Gusman sur la question de l'État et Gramsci. Ça a été un des livres fondateurs de la pensée gramscienne à partir des années 70. En France aussi, il y a Jean-Marc Piot qui a écrit un livre... Au Québec. Non, hein. Non, je crois. En français. qui a écrit ce livre sur la pensée politique de Gramsci. On n'a pas beaucoup de textes en français. Il y a ces actes du colloque, d'un colloque qui a été organisé dans les années 90, si je ne me trompe pas, à Paris, donc sur la pensée gramscienne en 92, oui, d'entrée sous la direction de Tozel, qui a été un des experts français les plus remarquables. Donc, on a différents textes qui sont italiens et français. Donc, ça a été un colloque italo-français. Et il y a eu un colloque en 2013 sur la Gramsci Renaissance, ils l'ont appelé comme ça, en France. À Paris, oui. Donc, c'est souvent les mêmes philosophes, mais qui ont compris aussi l'actualité de la pensée gramscienne. Et il y a les actes du colloque qui vont bientôt sortir en 2014. En fait, on propose, enfin, on montre surtout des textes en français. Oui. Après, c'est clair qu'en italien, il y a littérature sur les études des Gramsciennes. Peut-être il y a des introductions en fait à la pensée de Gramsci qui sont sorties ces dernières années en France. Donc ça, c'est une petite introduction, mais elle est très bien faite. Et il y a aussi une nouvelle sélection qui s'appelle La guerre des positions, oui, guerre des mouvements. Il tourne, je crois. Par Razmig et Kecheyan, donc ouais. Avec des brèves présentations. Donc ça, on les conseille, c'est aussi un séminaire pédagogique, en fait. Ouais. Hein, donc pour les étudiants, s'ils veulent valider, il n'y aura pratiquement rien à faire pour valider. Donc, juste assister, fréquenter. Et puis, si vous voulez, c'était surtout des textes en français, mais après, je ne sais pas si... En anthropologie, citer Kate Crehan qui a écrit, c'est l'édition italienne, mais il est surtout en édition anglaise. Il n'existe pas en français, mais en français, il s'appelle Gramsci, Culture and Anthropology, je crois, le même titre. Et qui est un très bon livre d'une anthropologue sur Gramsci. Elle explique bien le rapport entre Gramsci et l'anthropologie, l'utilité de Gramsci dans les études anthropologiques. Et il fait aussi une critique de certains usages de la pensée gramscienne, qu'elle appelle des usages légers ou light en anglais. On en parlera la dernière séance, oui, parce qu'il y a des usages dans l'anthropologie politique et surtout américaine. qui ont fait justement un usage très light de la pensée de Gramsci, mais comme John and Jean Comaroff, par exemple, James Scott, donc c'est toutes des figures de l'anthropologie politique américaine très importantes qui ont travaillé sur la question des résistances à l'hégémonie, les questions de la subalternité, mais leur usage pose question, surtout parce qu'aux États-Unis, dans les mondes anglais, anglo-saxons, Gramsci, tu évoquais tout à l'heure la question de la sélection des selected notebooks. C'était les cahiers sélectionnés qui ont été publiés en anglais, mais surtout la lecture que les Cultural Studies ont donnée de Gramsci, et notamment Raymond Williams, qui en fait s'est inspiré énormément de Gramsci, mais sans les citer. Et donc, dans les mondes, dans la littérature anglo-saxonne ou en langue anglaise, Gramsci est arrivé, il a été très, très utilisé, mais le Gramsci de Raymond Williams ou de Cultural Studies. C'est pour cela que la dernière séance, on reviendra aussi sur ces choses-là. Pour les prochaines séances, on va essayer quand même de vous proposer certaines bibliographies. Un lien avec les séances, donc qu'on va vous présenter. Enfin, je l'ai voilà. Annoncé 5 fois. Vas-y. Donc, prochaine séance, on aura le 25 mars Marcello Massenzio, qui est professeur d'anthropologie et histoire des religions à Rome, qui est associé ici à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain dont nous on fait partie. Et Marcello Massenzio présentera, il fera une sorte d'historique critique de l'influence que Gramsci a eue sur l'anthropologie italienne. Donc, en fait, là, on vient tout juste d'évoquer la question de l'usage de Gramsci dans l'anthropologie anglaise ou anglo-saxonne. Et ce qui est étonnant, c'est pas du patriotisme, mais c'est de voir qu'en fait, pas mal des débats qui ont été qu'on a fait en anthropologie politique dans les années 80, en fait, c'était des débats qui avaient déjà eu lieu dans l'anthropologie italienne. Et donc, dans ces soucis aussi des traductions entre traditions disciplinaires, je pense que ça peut être intéressant aussi de revenir sur cette question de l'impact de Gramsci sur l'anthropologie italienne, sachant que Gramsci d'abord faisait référence aux sociétés paysannes de l'Italie du Sud notamment, et que toute l'anthropologie italienne, l'anthropologie des religions, du folklore, des cultures populaires, en fait était une anthropologie gramscienne pour comprendre quel était l'élément émancipateur dans des expressions qui ne sont pas explicitement ou consciemment politiques, comme les phénomènes religieux, les cultures populaires. Alors ça, c'est très intéressant aussi pour l'anthropologie, parce que ça signifie aussi déplacer un petit peu la lecture du politique, pas seulement les politiques là où il est affirmé comme tel, mais aussi voir quel est le potentiel émancipateur ou la dimension politique de ce qui ne l'est pas explicitement, comme la question des religions. Donc c'est assez intéressant de voir que l'anthropologie religieuse italienne a été une anthropologie gramscienne. Une anthropologie qui, en France, d'ailleurs, a eu des influences dont on ne parle pas beaucoup, mais quand même, elles sont importantes, sur l'anthropologie africaniste à propos du prophétisme africain, qui ont été analysées comme des formes de rébellion ou de résistance par rapport à l'hégémonie coloniale. Alors ça, c'est assez intéressant, parce que on pourrait faire des rapprochements entre une anthropologie dynamiste des Balandiers, une anthropologie gramscienne. C'est pas de ça que Marcello Massenzio va parler, mais il parlera notamment de culture hégémonique et culture subalterne au pluriel, ça c'est très important, influence de la pensée d'Antonio Gramsci sur les études anthropologiques italiennes, et se concentrera notamment sur donc Ernesto De Martino et Vittorio Lanternari, qui est donc plus connu en France justement pour les questions d'émancipation des peuples subalternes du tiers monde et leur expression d'opposition aux hégémonies coloniales. Et c'est peut-être dans le même sens en fait que va aller la présentation. Je présente les deux premiers. La présentation de Cosimo Zene le 10 avril, Donc ça sera un jeudi et pas un mardi, parce que ça sera une séance commune avec le séminaire du Laïos. Donc je ne sais pas si ça va être ici, parce que, enfin, normalement ça va être ici, mais deux séminaires réunis, j'ai un peu peur. Bon, on va voir. Donc Cosimo Zene, anthropologue italien, mais directeur du département d'études religieuses à SOAS à Londres. Ces dernières années, Cosimo Zene est spécialiste des subalternes en Inde, donc des Dalits ou des intouchables et d'autres groupes subalternes. Et dans la même orientation, disons, que l'intervention de Marcello Massenzio, en fait, Cosimo Zene travaille sur la manière dont les phénomènes religieux aussi peuvent être lus à travers la lecture des Gramsci et des cultures subalternes. Mais il fera ça par référence, bien évidemment, au monde indien, et surtout à l'impact que Antonio Gramsci a eu dans l'indianisme, ou les subaltern studies et la théorie sociale indienne, sachant que bien évidemment Gramsci, peut-être il a été oublié à un moment en Italie, en France ça a été un petit peu une figure contrastée, mais à l'international, surtout dans les mondes, disons, subalterne, entre guillemets, il est très très lu et très utilisé. Je pense aussi à l'Amérique latine, ce qui nous amène à la présentation de Sabrina Vlenot, qui ici présente d'ailleurs, et qui nous présentera effectivement une intervention sur hégémonie et résistance à la Mexique contemporain. Sabrina finit sa thèse sous peu. Et elle travaille effectivement sur les résistances au Mexique, si j'ai bien compris, en Chiapas. Et peut-être tu peux dire quelques mots sur quoi tu vas nous parler. Non, mais pareil, ça va être sur les... Moi, je me suis inspirée de Gramsci pour expliquer le régime politique mexicain, pour expliquer l'hégémonie d'un parti qui a été au pouvoir pendant 70 ans, le PRI, le Parti Révolutionnaire Institutionnel. Et effectivement, je vais aussi expliquer comment on peut utiliser aussi Gramsci pour parler des résistances, dont celle du mouvement zapatiste qui a été très, très médiatisée. Et puis, je vous parlerai des différents auteurs qui ont utilisé, c'est surtout des auteurs nord-américains qui, depuis les années 70, utilisent des versions... font des lectures de Gramsci pour parler du Mexique. Donc voilà, je parlerai à la fois de mon travail, mais aussi des lectures sur le Mexique par d'autres auteurs. Oui, donc on reste dans l'utilisation donc de Gramsci sur deux concepts de base, donc celui d'hégémonie et celui de, pas de subalterne cette fois-ci, mais de la résistance à cette hégémonie. Et donc la possibilité de la création d'une contre-hégémonie, on verra si tu utilises ces termes-là ou pas. On aura après. C'est quand, ça? Ça, c'est le 29 avril. Donc, la séance d'après, donc le 13 mai, on accueillera Linda De Matteo, qui est chargée de recherche ici aussi au GAC. Et Linda De Matteo va nous parler de quelque chose de particulier, parce que Gramsci a eu tellement de succès dans les études politiques qu'il a été aussi récupéré par la droite. Donc, par les partis politiques de droite qui se sont intéressés à sa pensée, dans l'espoir et dans la volonté de constituer une nouvelle hégémonie, mais cette fois-ci une hégémonie de droite et d'extrême droite. Linda De Matteo, effectivement, est spécialiste, et elle a fait sa thèse sur la Ligue du Nord en Italie, et donc un mouvement politique de droite, vient de droite, mais presque d'extrême droite, qui est xénophobe et régionaliste. Et donc, elle va nous parler de la possibilité d'utiliser, enfin, les usages de Gramsci, de la pensée gramscienne, notamment pour ce qui concerne, encore une fois, l'hégémonie, par les partis politiques, donc de la droite et l'extrême droite. Alors, c'est très intéressant, parce qu'elle parlera à la fois de l'extrême droite française, parce que c'est des idéologues de l'extrême droite française qui ont utilisé, imprimé Gramsci. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un vide dans les études gramsciennes en France, sauf à droite, peut-être. Ça, c'est assez intéressant. Et puis en Italie, et ça c'est assez intéressant, surtout parce que la lecture de Gramsci comme la question de l'hégémonie, en fait, peut être récupérée par la droite, parce qu'il s'agit de stratégie politique, enfin de comprendre comment instituer une hégémonie politique, et donc elle peut être aussi une hégémonie en sens progressiste et conservateur. Là, il y aurait plein de choses à dire sur ça, sur la différence entre progressiste et conservateur dans la pensée des Gramsci. Mais, et puis une autre chose à propos de Linda De Matteo, c'est que ce qui me semble intéressant dans sa démarche, c'est que en fait Gramsci est devenu même un objet dans une sorte de fétichisme des gauches et des droites en Italie. Ces dernières années, il y a plein de discussions, même dans les journaux de droite italiens, sur la figure des Gramsci et sur la possibilité de les récupérer. Donc ça, c'est assez intéressant. On l'a vu, par exemple, à propos des cultures subalternes, du folklore, parce que Gramsci a été parmi les premiers savants italiens à donner une certaine dignité aux formes culturelles subalternes, locales. En réalité, en les critiquant, en disant qu'elles n'étaient pas suffisantes pour créer une nouvelle hégémonie de l'émancipation. Mais il a reconnu de la dignité. En fait, il y a une droite nationaliste qui est centrée sur la valorisation ou du local, du territoire, de l'identité, alors que Gramsci explicitement faisait des critiques énormes de ces idéologies-là. Mais quand même, ces choses-là ont été complètement récupérées. Donc ça me semble, voilà, ça sera peut-être moins au sens anthropologique d'utilisation, mais une critique de comment Gramsci a récupéré aujourd'hui par les mouvements de droite. Et puis on aura une conclusion sur, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, sur les actualités et inactualités des Gramsci, à la fois dans la théorie sociale et dans les mouvements sociaux. Donc moi, je pense dans la répartition qu'on a décidée, mais finalement les frontières sont assez... je vais parler plutôt, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de comment Gramsci est utilisé dans les mouvements sociaux. Alors, il y a un politiste qui a été parmi les, je dirais presque les chefs, mais aujourd'hui on ne peut pas parler des chefs dans les mouvements sociaux, des figures intellectuelles un peu plus représentatives, qui s'appelle Richard Day, qui était dans les mouvements de Seattle, qui a écrit un texte qui s'appelle Gramsci is dead, donc un refusant l'idée d'hégémonie et un substituant l'idée un petit peu plus anarchiste et libertaire d'affinité comme objectif politique. Et il y a d'autres dans les mouvements sociaux actuels, en fait, qui récupèrent Gramsci, le Gramsci de la société civile, le Gramsci du politique autrement, le Gramsci des subalternes, comme quelqu'un à qui s'inspirer. Alors pourquoi il y a ces oppositions-là? Et toi, tu vas parler plus sur Gramsci et la théorie sociale. La théorie sociale, la théorie critique, parce qu'il y a... On est très content qu'aujourd'hui, dans la théorisation des sciences politiques, mais aussi en philosophie, dans les autres sciences sociales, qu'on voit une réémergence, une résurgence. D'ailleurs, le colloque qui a été organisé l'année dernière à Paris s'appelait « La Renaissance Gramsci ». Donc, c'est quelque chose qui nous interpelle, pas seulement parce qu'on aime bien ça, mais aussi parce que c'est peut-être le signe d'un nouveau départ pour les études gramsciennes. Et donc on voit se multiplier les publications dans toutes les disciplines sociales, la philosophie, en histoire, qui reprennent la pensée gramscienne aujourd'hui, et aussi un intérêt toujours plus grand aussi de certains mouvements de la gauche radicale européenne qui se refont, notamment en France. On a vu plusieurs articles qui sont parus par des militants intellectuels de la gauche radicale française qui se réfèrent explicitement à Gramsci pour notamment penser la crise dans laquelle on se trouve, mais avec des instruments qui viennent directement de cette pensée gramscienne. Bon, il faut penser évidemment tout de suite à Razmik Kocheyan, mais aussi à Cédric Durand, qui a écrit, qui est un économiste et qui a écrit des articles pour expliquer la crise économique à partir d'une vision, d'une interprétation gramscienne donc de la crise des actuelle comme une crise organique qui est, donc encore là la question de l'organicité chez Gramsci revient et c'est des choses qui sont très utilisées. Il y a en Grèce on voit chez Syriza des intellectuels qui utilisent largement et très en Grèce c'est plus une tradition parce que c'est une tradition qui vient de l'eurocommunisme mais là c'est une utilisation de Gramsci quelque peu renouvelée et qui ne dérive pas forcément de cette lignée eurocommuniste grecque mais c'est un renouvellement qu'on voit aussi en Grèce, en Italie aussi, il y a une espèce de renouvellement de la pensée, non seulement dans le monde académique, mais aussi dans le monde militant, dans les mouvements sociaux alternatifs, radicaux. Donc voilà, c'est plutôt cette convergence entre un renouveau de la pensée gramscienne dans les mouvements sociaux et aussi dans la pensée critique contemporaine, où Gramsci commence à prendre une place de plus en plus. Et même Berlusconi, cette année, il a dit Gramsci, il avait tout compris, ouais. Parce que la gauche italienne a été complètement gramscienne, parce qu'elle s'est infiltrée dans les institutions de la société civile, elle a occupé l'université, la justice, l'école, et donc la gauche a été complètement gramscienne, elle n'a pas pris les pouvoirs qui a été de la démocratie chrétienne et puis de Berlusconi après, mais en fait les vrais pouvoirs a été de la gauche en Italie, et ça c'est la lecture, et c'était incroyable parce que moi, j'avais posté sur Facebook le discours de Berlusconi, il fait référence à Gramsci, j'ai un ancien étudiant qui m'a dit professeur, en 3 minutes de Berlusconi, j'ai compris ce que j'ai jamais compris dans vos cours. Parce que je vous conseille d'aller le chercher parce que c'est tellement clair. Berlusconi a une capacité. Et même Sarkozy en 2007 a dit je suis le premier président français à avoir à appliquer vraiment une lecture gramscienne de la société parce que moi je parle à la culture et à l'esprit des gens et j'impose pas les choses. Donc avec cette idée, ça me semble quand même assez intéressant, même actuel, de parler de ces choses. On a quelques minutes encore, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Juste une question technique, en fait, c'est quand vous disiez le consensus, le mot italien, parce qu'en anglais on utilise consent et pas consensus, quand on parle de Gramsci pour définir l'hégémonie. Alors, j'étais un peu curieux. Ça, c'est très intéressant. Dans la connexion, qu'est-ce qui se passe entre les trois? Mais même en français, entre consensus et consentement. Et consentement, oui. Ouais. Ouais, ben ça, c'est une question des traductions. Moi, je ne sais pas comment en répondre. En fait. Ouais, ouais. J'étais un peu curieux. Mais l'italien, c'est. Consenso. Sinon, ça serait acconsentimento, mais c'est pas tout à fait. Mais je pense qu'en français, on utilise plus consentement. Consensus. Ouais, mais je crois que dans les traductions, on utilise plus consentement que consensus. Mais consensus, ça renvoie aussi à c'est aussi une valeur de plus quand on dans la traduction de consenso, parce que le consenso, c'est pas juste subjectif comme le consentement, ouais. C'est-à-dire ce que je fais, mais c'est aussi le consensus, c'est plus. C'est culturel. C'est culturel. C'est partagé. Qui est aussi dans le sens de consensus. Et ça renvoie à l'idée des sens communs, en fait. Ouais. Consensus. C'est pour ça que je m'intéressais un peu pour comprendre. Mais c'est vrai que dans la traduction française, c'est plus consentement. Ben voilà, la question de la traduction est hyper intéressante, ouais. C'est sur ça. Ben. Oui, tout à fait. Oui. Bon, j'ai peut-être une question un peu plus en rapport avec la pensée marxiste de Gramsci, en fait, sur le matérialisme. Vous avez dit qu'il y a une dialectique entre matérialisme et matérialisme chez Gramsci. Et comment ça s'exprime concrètement, en fait? Parce que, du coup, il reprend la conception d'un travail de superstructure. Mais est-ce qu'il met aussi une hiérarchie entre les différentes composantes de la société, entre par exemple une base. Enfin, matérialiste qui est plus basé sur les rapports économiques en tant qu'infrastructure. Enfin, ça serait une vision plus classique avec la superstructure qui exprimerait en fait politiquement et culturellement une base économique. Et chez Gramsci, il y a, enfin, d'après ce que j'avais lu aussi, il n'y avait pas vraiment cette hiérarchie entre les différentes. Non, peut-être sur cette question, je n'ai pas été clair sur les rapports entre infrastructure et suprastructure, même si lui, il ne reprend pas ces notions-là, cette notion-là. Il parle des formes éthico-politiques pour parler des suprastructures. En fait, il sort d'une idée des déterminations. Et ça, c'est assez fort dans toute sa pensée. Et c'est là qu'il sort aussi d'un... Il critique, par exemple, les manuels de du Bukharine, de marxisme, de sociologie. Le diamant. Voilà, marxiste ou des Plekhanov. Cette idée, en fait, très banale du marxisme à l'époque orthodoxe, que la culture serait la simple conséquence supradéterminée par les conditions matérielles. En fait, vous avez raison, parce que Gramsci pense aussi ces différents champs comme des champs autonomes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des déterminations, mais Maurice Godelier dirait qu'il y a une dimension qui est dominante dans une certaine époque historique. Et ce qui intéresse, en fait, dans la lecture historiciste, dans l'évolution des sociétés, est de voir quelle est la combinaison particulière qui est faite entre économie, culture et politique. Mais cela ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui permet, en fait, de comprendre les autres. Ce n'est pas Marx qui dit « lorsque vous avez les moulins, vous avez la société féodale ». Enfin, c'est pas aussi direct. C'est au contraire, par exemple, par rapport à la crise du bloc historique, Gramsci dit que lorsqu'il y a une crise, il y a la possibilité que les institutions politiques qui se sont fondées sur des rapports de production, il y a la crise des rapports de production, les institutions persistent. Enfin, la pensée de Gramsci, c'est aussi une pensée de ce qui est capable de survivre au moment des crises, enfin de la continuité de la crise. Et là, il parle, autre notion célèbre, par exemple, des révolutions passives. La révolution passive d'un système des pouvoirs, enfin, c'est une logique du système des pouvoirs traditionnel pour continuer, alors que les bases sociales et économiques sur lesquelles ces pouvoirs reposaient n'existaient plus parce qu'elles sont rentrées en crise. Et c'est dans ce sens-là qu'on pourrait, par exemple, penser, c'est ce que Razmig et Kocheyan fait, par exemple, à propos de la crise économique actuelle, mm-hmm. et ils voient une autonomisation des institutions politiques européennes, alors qu'on est dans une phase de crise du capitalisme. Donc la relation, en fait, entre institutions, la même chose, on pourrait la dire pour ce qui est de la culture, mais les rapports entre institution et économie n'est pas un rapport de détermination où l'un ou l'autre prime, mais c'est un rapport de combinaison ou d'interdépendance qui dépend de la phase historique particulière. Donc c'est pour cela aussi que c'est une lecture historique. C'est qu'il n'y a pas une équation, en fait, disons simpliste, où infrastructure aurait pour conséquence superstructure et ouais, voilà. Ouais, non, voilà. Il y a... Ce qui n'était pas le cas d'un Marx non plus. D'un Marx non plus. C'était pas, mais c'était une certaine lecture de Marx qui était dominante à l'époque et qui a continué avec le diamat dans l'Union soviétique, par exemple. Une lecture très stalinienne et même soviétique du marxisme. Chose qui est, bon, il n'est pas un critique de ce marxisme-là qu'il n'a pas connu, parce que bon, il est mort en 37, donc il n'a pas vu tout le développement de... Mais il était un critique très féroce de ce manuel pratique qui de était... sociologie populaire. De sociologie voilà. populaire qui était écrit par Bukharine, donc en Union soviétique, et qui devenait de plus en plus le marxiste, la vulgate marxiste à son époque. Donc c'est contre cette vulgate marxiste où le déterminisme par l'économie était très fort, contre lequel il écrit donc dans les cahiers. Donc c'est vraiment penser donc l'autonomie, à la fois l'autonomie des sphères de l'activité humaine, donc économique, politique et culturelle, mais aussi un rapport dialectique entre ces il y a les deux, il y a une certaine autonomie mais aussi un rapport dialectique entre les trois sphères. Mais je veux dire qu'on ne peut pas prévoir de façon mécanique. Voilà, ah ben, il n'y a pas de... Ben justement, Gramsci, à l'intérieur du marxisme, est complètement anti... il appelait le marxisme orthodoxe un fatalisme politique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait rien, parce qu'il y a déjà Marx, alors qu'il a analysé, par exemple, la révolution russe, avec une expression célèbre, il a dit c'est la révolution contre les capitales. Enfin, contre les capitales, le livre de Marx qui prévoyait plutôt la révolution comme le moment culminant du capitalisme lui-même, lorsque les contradictions, alors qu'on l'a eu en Russie où les capitalismes n'existaient pas sous la forme occidentale. Alors, enfin, il introduit toute autre chose par rapport au mécanicisme dans sa vision de l'histoire. C'est là qu'il réintroduit aussi la question de l'initiative politique. L'histoire, c'est quelque chose à faire, avec toutes les déterminations qu'il peut y avoir, mais il ne faut pas tomber dans ce qu'il appelait le fatalisme, de penser qu'on ne peut rien faire, parce que... lisez la lettre « Je hais les indifférents ». Je pense que c'est un bijou pour moi, même des littératures. Je pense que toute sa pensée est bien condensée là-dedans. Il dit l'histoire n'est pas un tremblement de terre. L'histoire n'est pas un tremblement de terre. Enfin, ce n'est pas parce que ça arrive comme ça. C'est les hommes en collectivité qui font l'histoire. Et donc, les hommes ont une capacité. Mais qui ? L'individu en collectivité ? De quelle manière ? Voilà. Bon. Je peux dire une chose ? Bien sûr. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Je tiens à le dire, faire un séminaire ici, entre Gramsci et l'anthropologie politique, je suis très content.